C'est Carly. C-A-R-L-I. Spleen. C'est juste histoire d'un jeune homme instable. J'étais là, assis à ma table, grattais, je grattais en espérant trouver un avenir. Mais j'ai compris en grandissant que notre avenir dépendait de cette société. Fais vite et chaud, la vie est bien trop courte pour une liasse. Tes gens sont prêts à te laisser au bord de la route. Alors doré, j'arpente tes rues, alors je chiote de mon avenir. Mais en vain, en quoi j'aurais pu aboutir. J'ai croisé cette fille ravissante, me souviens de son doux parfum. Ses cours magiques me hantent encore. Cette histoire magique, j'en ai mis fin, trop gentil, trop souvent pris pour un con. Alors petit à petit, mon cœur se ferme, elle me parlait déjà de gosses et de maisons. J'ai déjà parti comme si j'avais plus d'enferme. Et toi, mon ami, on s'était promis pour la vie. Aujourd'hui, tout est fini, passé d'amis à ennemis. Si j'étais un tueur, j'aurais poignardé dans le dos. Comme toi, tu l'as fait avec tes mots. Dans ma tête, j'entends des voix, j'ai des envies diaboliques. J'ai les épaules assez larges pour porter tous mes démons. J'ai les larmes qui ont coulé après la trahison. Faudra pas pleurer quand il y aura ta tête au bout du pic. Mamie m'avait dit, dans la vie y'a les bâtards et les jambons. Perpète des frustrations ou des tensions. Au bord du gouffre, j'aurais sauté sans tiépi. Aujourd'hui encore, en pleine réflexion, j'arpente encore cette ruelle plein d'engouement. Un peu tôt tiec quand ça parlait de baston. Malgré ça, on rigolait, en tout cas, on faisait semblant. Nos meilleurs souvenirs sont gravés dans la pierre. L'année 9-9, ouais, c'est nous la nouvelle ère. La guédro, t'es charmé dans ce nuage de fumée. La déchirer serait trop dur. Coule encore sur papier, cherche ma voix, cherche mon âme, sonne ma voix en guise d'arme. Et quand je pousse trop, loin, je tire la sonnette d'alarme. Je me barrer sur une île où y'a personne de négatif. Tu m'as trahi, je vois bien ça comme du négatif. Je vois fou, non, j'ai pas bu, j'ai trop vu. J'ai pas grandi dans la rue, j'ai grandi dans mon lit. Arrête de parler, t'en as déjà trop dit. Quand le mien aura assombri, on tu encore les cris. Dans ma tête, j'entends des voix, j'ai des envies diaboliques. J'ai les épaules assez larges pour porter tous mes démons. J'ai les larmes qui ont coulé après la trahison. Faudra pas pleurer quand il y aura ta tête au bout du pic. Pendant que le diable est avec la mort arrive. Mais comme une tombe, brume comme une arme. Pessimiste ou réaliste, quand je cours pour fuir la mort. Je pense qu'à la mort, on me dit que quand t'es mort, c'est comme quand on dort, alors je reste fort. Il a fallu de quelques mois pour me retrouver en offshore. Pour moi, la gentille, c'est le pire de mes défauts. Alors je bosse sur moi-même. Y'a 6 mois, j'entendais encore des je t'aime. Et même je t'aime que je disais à ma mère. En moi, je garde de beaux souvenirs. Ramener le mignon, je sais que ça te fera plaisir. Si personne croit en moi, dis-moi qui le fera. Je suis venu trouver le remède pour faire renaître le peurat. Je dois tout recommencer, tout recolorier, tout éviter. Demandez-vous à mère comment vous l'expliquer. Alors je continuerai à gratter, gratter pour trouver mon avenir. Je ne fais pas partie des mômes qui ne font que dormir. Pendant que t'es dans ton lit et que tu dors, je retourne en studio. Faut que je frappe fort.